déjà posé la question. Mais pourquoi ai-je constamment à lire toute l'information qui me passionne? Y aurait-il une meilleure méthode? Eh oui, les geeks contre-attaque peuvent les lire pour vous! 90 minutes d'actualité techno, de jeux vidéo, de cinéma, de séries télé, de chroniques étranges et insolites, et de toutes les autres niaiseries qui nous passent par la tête. Bref, c'est les samedis, c'est de 15h à 16h30, et c'est sur les ondes de CKRL 89.1. Et c'est ça, là. Pourquoi que la toune faille tout le temps avant que j'aie fini de parler? À l'aérospatiale, des artistes du contingent Québec au volet art visuel des Jeux de la francophonie, le dévoilement de la programmation du mois multi et offrir l'art en cadeau à Noël. Bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio en arts visuels à Québec. Audrey Caro au micro, accompagnée de Sarah Bélanger-Martel pour cette édition du 6 décembre. Bonsoir, Sarah. Bonsoir et bon retour, Audrey. Ben, merci beaucoup. Vraiment très contente d'être de retour avec vous. Puis je te remercie sincèrement, Sarah, d'avoir assuré la suite pendant que j'étais absente. Mais c'était pour des bonnes raisons. Ben oui, c'est ça, justement. Un petit pou qui est ici dans la salle d'attente. Là. voilà, un beau petit garçon que j'ai eu le plaisir de mettre au monde. Donc, très heureuse là, de pouvoir l'avoir avec moi, mais aussi d'être de retour en onde pour vous parler d'art visuel, parce que, bon, hein, quand on se dit pour ce temps-là, c'est notre passion qui nous anime, hein, quand on a envie de revenir comme ça, là, c'est certain, puis ça m'a manqué. Je vous ai écouté un peu, justement, pendant tout ça, puis vraiment, ça a été fort intéressant, puis un grand merci, Sarah, d'avoir pris le relais de façon aussi brillante, je dois le dire. Tout le plaisir a été pour moi. Alors aujourd'hui, et ça jusqu'à Noël, on aura le plaisir de co-animer ensemble l'émission, justement avant cette pause de Noël. Et aujourd'hui, on a une émission, encore une fois, tout en variété. Premièrement, tu vas t'entretenir, Sarah, avec l'artiste Gabrielle Lajoie-Bergeron. Et ça, c'est au sujet des Jeux de la francophonie. Et vous allez voir, moi, j'étais un peu surprise de pouvoir plugger les Jeux de la francophonie à l'intérieur d'une émission sur les arts visuels, mais il y a tout un pan art visuel, tout un pan culturel au jeu de la francophonie. Et Gabrielle Lajoie-Bergeron, peintre qui vit maintenant à Montréal, fait partie du contingent de l'équipe Québec au jeu de la francophonie. Donc, on va pouvoir s'entretenir avec elle un petit peu plus tard dans l'émission et on va pouvoir aussi parler de sa pratique de façon plus large. Donc, on a bien hâte de l'entendre. Oui, puis il faut quand même souligner qu'une de nos anciennes collaboratrices, Andréanne Gagnon, va être aussi de ce contingent-là, de même que Gabriel Moret, un sculpteur à qui on a parlé l'an dernier, justement, là, plutôt cette année, à vrai dire, là, qui avait exposé à l'œil de poisson. Donc, vraiment, c'est assez intéressant. Donc, bien hâte de découvrir tout ça avec toi et Gabrielle tout à l'heure. Oui. Sinon, on a notre chroniqueuse Émilie Porraquia-Verdier qui va venir faire un tour pour nous parler du prédévoilement de la programmation du mois multi qui va avoir lieu au mois de février prochain. Donc, elle va nous parler en gros des quelques petites annonces, parce que, comme on dit, c'est un prédévoilement. On n'a pas eu le droit à tout, hein. C'est un peu pour nous mettre en haleine. Donc, on va découvrir ça avec elle tout à l'heure. Mais on va poursuivre aussi, après la pause, avec Ariane Plante, qui est la commissaire du mois multi, qui va nous parler plutôt de l'orientation de cette deuxième de trois éditions dont elle est la commissaire. Donc, et aussi des deux spectacles qui nous ont été annoncés. Et finalement, on termine l'émission avec Andréanne Lesage, qui va nous faire quelques propositions cadeaux de Noël, donc à cette veille des fêtes, là, d'ailleurs, ça va peut-être vous être utile, mais les cadeaux, il faut le dire, artistiques, hein, en lien avec les arts visuels, toujours. Et comme à l'habitude, l'agenda de la semaine également que tu pourras nous présenter, Sarah, en fin d'émission. Et cette semaine, ben, Simon Roy nous a préparé une sélection audio où il voulait, je pense, tester notre connaissance de la langue russe. Malheureusement, vous ne m'entendrez pas parler russe aujourd'hui, mais je peux vous dire que l'artiste, si on en fait la traduction, s'appelle Very Long Cat et c'est de l'album Turquoise Rumble. Et c'est un artiste donc de Odessa en Ukraine, bien sûr, et comme toujours avec des petites touches de musique expérimentale. On s'en va d'ailleurs écouter un premier extrait qui s'appelle Eternal Summer. Thank you. Donc, on est de retour en ondes. Oui, est-ce que Gabrielle, on t'a bien au bout du fil? Oui, on t'entend. Parfait, super. On fait un petit peu des tests ce soir. On a des petits problèmes techniques, mais on va essayer de pouvoir faire l'entrevue avec toi. Alors, Gabrielle Lajoie-Bergeron, tu nous rejoins de Montréal. Bonsoir, Gabrielle. Bonsoir, Sarah. Et on est vraiment content que tu te joignes à nous ce soir. En fait, on t'a invité à te joindre à nous parce que tu fais partie du contingent Québec pour les Jeux de la francophonie qui vont avoir lieu en 2007 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et juste pour présenter, parce que moi-même, j'étais un peu curieuse là, de savoir pourquoi on pourrait présenter les Jeux de la francophonie dans une émission d'art visuel. Mais en fait, il y a tout un pan culturel, artistique aux Jeux de la francophonie. Et ça, en fait, depuis 1987, là, va vraiment, les Jeux de la francophonie donnent une place à la relève autant sportive que culturelle. Et le Québec envoie, donc à chaque 4 ans, à chaque fois qu'il y a un jeu de la francophonie, va envoyer une délégation. Et là, toi, Gabrielle, tu représentes le pan peinture. C'est bien ça? Oui, exactement. Très contente, d'ailleurs, d'avoir été sélectionnée par le CAL. Oui, c'est le CAL qui faisait la sélection et c'est quand même c'est pas rien là cette représentation là, c'est une belle reconnaissance, c'est une belle visibilité. Est-ce que ça te qu'est-ce comment tu vois ça? Est-ce que tu te sens un peu comme une ambassadrice du Québec? Oui, en fait complètement, je me sens vraiment je me sens très honorée de pouvoir représenter en fait la peinture au Jeux de la francophonie. C'est une belle opportunité. Premièrement, de rencontrer au-dessus de 80 pays et États qui vont être là-bas à travers le monde. Donc, de pouvoir échanger sur la peinture, mais aussi de rencontrer des gens en culture puis en sport aussi, parce qu'on va habiter en fait dans un genre de village olympique. Là, oui. De pouvoir côtoyer. Exactement. Donc, tu vas être là avec d'autres artistes aussi. Il y a un autre contingent. Il y a un contingent du Canada. Il y a un francophone. Il y a également un contingent du Nouveau-Brunswick. Vous êtes beaucoup de monde du Canada. Et d'ailleurs, je trouvais ça assez intéressant parce que dans le contingent Canada, c'est vraiment en grande partie des gens du milieu montréalais. Est-ce que ce sont tous des gens que tu connais aussi? Non. Non, pas nécessairement, mais en fait, il y a un autre artiste. Celui-ci, par exemple, va représenter les arts numériques, qui s'appelle Julien Robert. En fait, lui, je le connais parce qu'on l'a déjà présenté avec Topo au Centre d'artistes où je travaille, mais sinon, je les connais non. Certaines de pratiques, mais sans plus, ça va être aussi une belle opportunité de pouvoir les rencontrer et puis mettre des... c'est ça, de mettre ensemble nos passions. Ben oui. Et pour toi, donc, c'est une belle reconnaissance. T'as quand même une année assez intéressante. Tout récemment, bon, là, tu viens de compléter une résidence au Centre d'artistes, au Centre Esnarès, au Centre de résidence Esnarès à Saint-Jean-Port-Joli. C'était aussi une année où t'as exposé à Rouen. T'as fait vraiment plein de choses. Et est-ce que t'as l'impression que c'est un peu une reconnaissance de ta place que t'arrives à prendre de plus en plus dans la relève? Je pense que oui, franchement, j'ai pas à me plaindre de cette dernière année. Ça a été beaucoup de beaux projets, beaucoup de beaux accomplissements, de belles reconnaissances. Il y a eu justement, comme tu disais, à Rouyn-Noranda avec Isabelle Guimont. C'est un projet qui avait été initié par Isabelle Guimont. Au Centre Lécart avec Christine Major aussi, on a eu une résidence. Puis après, on a fait une exposition qui était liée tout à cette idée du territoire aussi. Puis après, bon, il y a eu la bourse Plein Sud aussi, qui est une autre reconnaissance en art. Mm-hmm. Puis c'est ça, tout récemment, la résidence à Esnarès, qui était un beau cadeau, là, en bout de ligne, un beau 2 mois de travail intensif à l'atelier avec une équipe sur les lieux vraiment fabuleuse. Salut d'ailleurs. Oui, puis tu parles de cette exposition que tu as faite à Rouen, à l'Écart. L'exposition s'appelait, avec Christine Major et Isabelle Guimont, l'exposition s'appelait Filles debout. Peut-être un clin d'œil à la publication féministe des années 70, la québécoise debout. Il y a vraiment une sensibilité aussi, une sensibilité féministe dans ton travail. C'est un engagement qui est vraiment présent. Comment tu le vis, toi, comme artiste? Le féminisme au quotidien ou dans ma pratique, je suis pas certaine de... en fait, c'est aussi, certaines personnes peuvent le voir à travers ton travail, peut-être comme un thème ou certaines... Oui, en fait, c'est un peu omniprésent, là, depuis toujours. Je pense que ces thématiques-là m'ont toujours habité. Puis il y a eu un moment où, finalement, j'ai pris ces thématiques-là, puis j'ai essayé de les asseoir ou en tout cas de les comparer avec ce qui a été fait historiquement, où je me positionnais par rapport au féminisme. Au féminisme, je le dis au pluriel, puis aussi mon implication à différents niveaux, dans certains centres, la centrale aussi. Oui. Puis comment je peux m'impliquer finalement socialement. Je pense que dans mon cas, mon pouvoir d'action, du moins social, est peut-être en peinture, parce que je trouve quand même que la peinture me permet de présenter des enjeux ou en fait des problématiques au même titre qu'un texte pourrait le faire. Donc que je passe par l'image. Donc oui, c'est très c'est omniprésent dans ma pratique, en fait. Oui, dans ton engagement, là, tu parlais de donc tu es active auprès du CA du Centre d'artistes La Centrale, également l'agence Topo. Donc cette idée-là aussi de s'impliquer socialement dans la communauté artistique, c'est important pour toi? Oui, c'est vraiment important. Je pense qu'on est un milieu qui vit en fait beaucoup de coupures aussi récemment, mais qui tient bien. Je trouve qu'on est malgré tout un beau milieu, puis les gens s'investissent énormément. Puis je pense qu'on a besoin de s'impliquer puis d'y croire aussi. Puis en même temps, en m'impliquant dans d'autres centres, ça fait un peu rouler la roue. D'autres centres vont me prendre en exposition. Fait que c'est un peu une machine. Ouais, et puis donc pour le futur, outre ce passage que tu feras en 2017 à Abidjan, Côte d'Ivoire, t'as donc aussi des projets là qui s'enlignent, notamment avec la bourse Plein Sud. Il y a une première exposition solo qui s'en vient pour ça. En fait, c'est pas la première exposition solo. Ça fait quand même, je pense, peut-être presque une dizaine que j'ai. Ah. J'en ai une à la centrale, une au territoire aussi en 2015. Mais celle-là, en fait, est un peu différente justement parce qu'en fait, elle vient avec le prix, la récompense Plein Sud. C'est un prix pour les artistes plus émergents qui est offert à chaque année. Puis après, en fait, ça donne une bourse. Puis tu as une exposition justement solo en mai, à peu près mai-juin de chaque année. Fait que moi, ça va être en mai 2017. Puis c'est le même projet, c'est le projet Connex que j'ai élaboré justement pendant ma résidence à Est-Nord-Est. Donc c'est une belle reconnaissance aussi pour ce projet-là qui m'a permis de développer autant la recherche que pour finalement aboutir à une exposition en 2017. Ben, on a bien hâte de voir ça, Gabrielle. Est-ce qu'on peut pouvoir voir ton travail aussi ailleurs? Est-ce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent qu'on peut surveiller de notre côté? Bien, actuellement, en fait, mon travail, on peut le voir dans diverses, j'ai pas la programmation avec moi, mais dans diverses maisons de la culture pour les prochains mois, via le programme culture Le Cam en tournée, avec le Centre d'artistes B312. En fait, c'est une exposition collective qui va tourner dans les maisons de la culture de l'île de Montréal pour, je pense, sous toute réserve, environ 6 mois. En ce moment, c'est à la maison la culture de Verdun, donc c'est cette exposition-là qui réfléchit justement aux enjeux de la peinture actuelle, donc qui est complètement aussi dans mes questionnements. Puis c'est ça. Puis il va y avoir Plein Sud, puis Juillet, puis des petits projets ici et là. Donc tu vas te garder bien occupée. En tout cas, merci beaucoup de t'être rejoint à nous ce soir, Gabrielle, et félicitations pour cette belle reconnaissance. Merci, je vous souhaite une belle soirée. Bye. Bye bye. De notre côté, on poursuit en musique tout de suite avec un autre extrait de cette sélection de Simon Roy. Alors, de retour à l'aérospatiale et nous sommes en compagnie de Émilie Porac-Averdier, notre chroniqueuse. Allô, Émilie. Allô. Ça va bien? Ça va très bien, et toi? Oui, très bien. Oui, on a un beau duo de co-animatrice ce soir. Eh ouais. Alors, Émilie, tu as assisté pour nous le 29 novembre dernier au prédévoilement de la programmation du mois multi, donc qui va avoir lieu au mois de février prochain. Donc, c'était un peu un genre de, excusez l'anglicisme, un petit teaser. Hein? On veut nous mettre en haleine. Tout à fait. Un peu pour juste nous en révéler un petit peu puis nous révéler tout au retour des fêtes par la suite, la programmation. Donc, qu'est-ce que tu as pu apprendre pour nous lors de cette conférence de presse? Donc, effectivement, c'est un petit avant-goût, un bel avant-goût, je dirais, du mois multi. C'est dans une ambiance feutrée et conviviale que Ariane Plante nous a dévoilé une partie de sa programmation la semaine dernière. Donc, en fait, c'est le deuxième volet du triptyque sur le réenchantement du monde, donc où Ariane a voulu plus se concentrer sur la communauté, être ensemble, le nous. Donc ça va être une belle programmation, un beau mois de février avec le mois multi. Donc on peut dire que dès le 2 février, le festival va commencer avec deux spectacles inédits, donc beaucoup de surprises, de l'inédit pour ça. Donc ça va être avec l'artiste de renommée internationale Herman Colgan, hein, qui est de Québec, qui présentera Impact, qui est une performance audiovisuelle et balistique qui questionne notre rapport de proximité avec les objets. Ensuite, du 2 au 4 février, on va avoir Entrée, nous sommes ouverts, du bureau de l'APA, qui offrira quant à eux une performance interdisciplinée où la manipulation des déclencheurs, des boutons, des circuits vont être mises en avant. Donc, ça promet tout un programme. Ouais, on va en parler tout à l'heure tout avec Ariane. Fait, hein, tout à fait. Donc, plus, là. J'essaye de faire un peu comme eux, mettre en bouche, mettre bien la sûr. Table exact. Pour Ariane. Donc, concernant les aspects installation, c'est vraiment le premier performance. C'est les seules choses qu'ils nous ont dites la semaine dernière, mais ils ont été un petit peu plus larges concernant les installations. Donc, ils nous ont dévoilé 6 installations qui vont débuter à partir du 18 février. Donc, d'ailleurs... C'est souvent à mi-parcours un tout peu à fait. Du festival que tout à fait. Sont dévoilées les installations. Exactement. Donc, exactement. Puis ça va être lors d'un grand vernissage commun avec Manif d'art, où les installations du mois multi vont être lancé en même temps que les installations de la manif. Donc, ça va être un gros party le samedi 18. Hein, exactement, vraiment. Exactement. Les deux événements ont décidé d'ouvrir leurs événements en même temps. Donc, pour le gros party, à 8 heures. Donc, c'est un rendez-vous d'après Mélanie Bédard. Donc, à ne pas manquer. Exact, à marquer à votre agenda. Là. Exactement. Réservez votre 18 février parce que je pense qu'il va être assez occupé. Oui, oui, oui, ça va être chaud malgré la faible température. Oui. Donc, notamment, cette journée-là, on va avoir... de l'artiste allemande Karina Smila-Bobensky, je m'excuse pour son nom, qui va présenter Ada, qui est une curieuse créature sphérique translucide qui est gonflée à l'hélium. C'est magnifique, la photo, on peut le voir dans un article du Soleil, là, vraiment, tout à c'est fait. Très beau. Hein. Tout à fait, puis là, de dévoilement, on a eu la chance de voir un petit vidéo, d'ailleurs, donc, où le public, et même l'artiste, il me semble, manipuler cette sphère avec des fusains, en fait, puis l'idée est dessiner sur les murs de manière très aléatoire. On ne peut pas contrôler cette sphère-là. Donc, j'avouerai que j'ai bien hâte de l'essayer. Mais c'est ça qui est plaisant avec le mot multi parce que c'est souvent des trucs interactifs où on peut interagir. Il y en a qui sont plus contemplatifs, mais il y a de ces petits bidules ou ces gros machins, là, si on peut dire, dans ce cas-ci. Là, oui, c'est très gros. D'après la vidéo, on va se sentir tout petit à côté. Donc, effectivement, c'est très intéressant. Parfait. Donc, à voir. À voir, oui. Donc, autre installation, le duo italien de Quiet Ensemble qui réunit Bernardo Vercelli et Fabio Di Salvo qui propose Orienta e qui ora decido di fermami, qui est une installation qui oppose la nature et la technologie. Donc, encore une fois, quelque chose qui est très... avec des escargots. Donc, oui, c'est ça, son très... et escargot. Hein, tout on n'en dit pas plus, mais il y a quelque son chose... Son et escargot. Ouais. Donc, ce rapport-là, souvent, entre la technologie et la nature revient beaucoup dans les œuvres, entre l'organique et le technologique. technologique, oui. Quasi mutant. Là, et, tout à fait. Et à chaque fois, c'est une belle découverte. Oui, puis l'idée d'utiliser des escargots, c'est quelque chose. Hein. Oui, non, c'est soupçonné. En tout cas, en même temps, je me dis, j'ai hâte de voir comment ça va, tout ça va s'organiser. Oui, tout à fait. Puis, on a aussi Mars Walker, qui est un duo formé de Carl Otto von Wansoden. Excusez-moi de nom, et d'Alexandre Berthier qui présente Noctulica Scintillance, qui est une installation photoluminescente fantasmagorique. Mm-hmm. Moi, j'ai marqué trip de drogue. Parce que c'est un peu ça qu'on nous propose, des effets, tout je pense, fait. Un peu hallucinatoires. Je me suis dit, bon, mais pour ceux qui n'ont pas envie de prendre de drogue, mais qui aimeraient vivre l'expérience, je pense que ça va être assez intéressant. Tout à fait. Puis, on continue avec Spin Cycle, qui est une toute nouvelle création de Marla Adley, qui est une Ontarienne, qui est présentée par Avatar, puis qui propose un ensemble de sculptures sonores cinétiques, révélant un jeu d'interaction subtile entre le dispositif, l'espace d'exposition et les visiteurs. Mm-hmm. Donc, c'est encore quelque chose qui va chercher le public et le visiteur, donc toujours intéressant à ce moment-là par la suite. Ensuite, présenté en collaboration avec L'Œil de Poisson dans la petite galerie, qui est Concertina de Steve Bates, qui est une installation sonore radiophonique où le signal transmet par deux fils métalliques et les notes d'un petit accordéon. Je ne sais pas si Ariane vous racontera un petit peu l'histoire, du pourquoi, du comment. En tout cas, moi, je vous laisse par la suite, mais c'était très intéressant et touchant. Je vais peut-être l'interpeller là-dessus, justement. Je m'étais mis une note, là. Oui. C'est, en tout cas, elle nous a raconté l'histoire la semaine passée, puis l'histoire est très touchante, du pourquoi, du comment. D'accord, on va la questionner. Si t'arrives à lui faire tirer les verres du nez, ce serait on parfait. On va essayer. Et je pense qu'il nous en reste une aussi à voir. Oui, tout à fait, qui va être à vue dans la petite galerie de vue, ce qui est Carly Richardson, une Anglaise, qui crée à partir de séquences photographiques une scène apocalyptique envoûtante où s'entrecroisent réalité et science-fiction. Donc, c'est les 6 installations qui vont être présentées au mois multi. Mm-hmm. Si vous voulez un petit peu plus, le reste va être dévoilé en janvier. Donc, il va falloir attendre. C'est comme un cadeau de post-Noël, ça permet aussi au festival, des fois, de donner des idées. Aussi, on parle d'idées cadeaux tout à l'heure avec Andréane. Déjà là, ça pourrait être de beaux cadeaux à offrir. Ces spectacles-là sont mis en vente. Exactement, je pense, j'allais le dire. Oui, ils sont déjà mis en vente. Les deux spectacles ont été annoncés la semaine dernière. Donc, je pense que ça va vite se vendre. Donc, pour découvrir justement des performances inédites ou des œuvres inédites, vraiment, je pense que ça va valoir la peine. En tout cas, on pourra le rappeler certainement. Mais bonnes idées cadeaux. Exactement. Là, si vous voulez expérimenter quelque chose de nouveau. Tout à fait. Juste pour terminer, c'est la 18e édition du mois multi, puis qui va avoir lieu du 2 au 26 février 2017 à Méduse. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Oui, exact. Et partenaires aussi, hein, parce qu'il y a plusieurs partenaires de centres d'artistes aussi hors Méduse qui sont là. Et des installations, j'imagine, comme à l'habitude, en hiver. C'est ça aussi, on peut découvrir à l'extérieur aussi. Donc ça, c'est assez plaisant. Émilie, je te remercie beaucoup de nous avoir mis à table juste avant ça. Donc, chers auditeurs, je vous invite à rester à l'écoute parce que de l'autre côté de la pause, on reçoit au téléphone donc Ariane Plante, la commissaire du mois multi. À qui on va essayer de tirer les verres du nez un petit peu là, pour en apprendre un peu plus. Alors, on se revoit de l'autre côté de la pause. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Dave. CKRL 89.1. Dans un instant, c'est l'aérospatial à CKRL. Depuis ses débuts, le Bal du Lézard participe à l'essor de la vie culturelle et artistique de Québec et encourage la création radiophonique originale. Le Bal du Lézard vous souhaite bonne écoute sur le 89.1. lebaldulezard.com. En décembre, ne manquez pas au cinéma Le Clap. Julius et le Père Noël, dès le 2 décembre. Manchester by the Sea, dès le 9 décembre. Vote et Bougon, dès le 16 décembre. Lyon, dès le 21 décembre. Le Fils de Jean, dès le 23 décembre. Et La La Land, dès le 25 décembre. Pour Noël, offrez du cinéma avec la carte Abonne Clap. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. Bon cinéma! Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15 % au restaurant Pub Le Dorcé, 65 rue de Buade à Québec. dorcerestaurant.com. Votre carte au coût de 25 $ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Quiz aux bénévoles de l'Opération Nez Rouge. Décrivez ce que vous entendez. Allô, Nez Rouge? Comptable. Blond. Saint-Pierre-Neuf. Familial Rouge. 4 cylindres, 2006. Il y a un sac de chips entre les deux bancs. Le Club Tech. 62 des chaînes à Saint-Rigaudon. À l'Opération Nez Rouge, on est toujours à vos côtés pour bien rentrer. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'Opération Nez Rouge au 1-866-DESJARDINS. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, Desjardins et de cette station. À ne pas manquer sur la fabrique culturelle, il va inspirer plusieurs jeunes auteurs, compositeurs, interprètes de l'époque, dont Jacques Brel. La série Écoute tes classiques est de retour en force et vous présente 4 carrières ou albums marquants de la chanson populaire au Québec. On le surnommait le fou de l'île parce qu'il habitait l'île de Montréal. Ben non. Ouais, mes souliers. Félix Leclerc, le fou de l'île. Félix Leclerc a ouvert la voie à toute une génération d'artistes québécois. Tout le talent d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Vous êtes-vous déjà posé la question? Mais pourquoi ai-je constamment à lire toute l'information qui me passionne? Y aurait-il une meilleure méthode? Eh oui, les geeks contre-attaque peuvent les lire pour vous! 90 minutes d'actualité techno, de jeux vidéo, de cinéma, de séries télé, de chroniques étranges et insolites, et de toutes les autres niaiseries qui nous passent par la tête. Bref, c'est les samedis, c'est de 15h à 16h30, et c'est sur les ondes de CKRL 89.1. Et c'est ça, là. Pourquoi que la toune faille tout le temps avant que j'aille finir de parler? Alors, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale et nous entamons cette deuxième demi-heure. Et comme on vous l'avait mentionné, on est en entrevue avec Ariane Plante, commissaire du Moi Multi. Ariane, tu es bien au bout du fil? Oui, je suis bien au bout du fil. Excellent, parfait. Donc, on voulait te parler aussi pour en savoir un petit peu plus. Là, Émilie nous a mis en haleine, là, justement, un peu pour nous parler de ces quelques spectacles et installations. Mais il faut dire que, peut-être rappeler aux gens, justement, cette grande thématique du réenchantement du monde que tu nous proposais, donc, pour ces 3 éditions dont tu vas être la commissaire. Et cette deuxième édition, donc, tu proposes un regard plus spécifique sur les notions de collectivité et d'occupation du territoire. Il faut dire que c'est deux notions très à propos dans le contexte social actuel. Est-ce que tu peux nous en glisser un mot un petit peu plus? Oui, c'est ça. En fait, la première édition, on était dans des formes très contemplatives, d'observation du monde. Puis, comme on se dirige tranquillement vers la troisième édition où je souhaite interroger les utopies, les mondes possibles et un peu aussi le monde des dystopies, donc toute la désillusion qui va avec ça. Mais j'essaye de regarder ça d'un point de vue beaucoup plus positif, finalement. Mais donc, cette édition mitoyenne-là, pour moi, elle devait se faire sur une espèce de prise de conscience de la force du nombre puis du pouvoir qu'on a quand on s'unit les uns avec les autres pour construire quelque chose. Donc, c'est sûr que les œuvres au programme, finalement, tissent, bon, il y a plein de fils rouges, de sous-thèmes qu'on pourrait faire ressortir, mais celui qui est central, je dirais qu'on retrouve pas nécessairement dans chacune des œuvres, mais qui va unir toute la programmation, c'est ça, c'est cette idée de collectivité, de communauté, d'être ensemble. Et ça passe entre autres par l'occupation du territoire, mais par toutes sortes d'autres procédés. Puis on n'est pas dans l'illustration même de cette idée de communauté-là, mais on est dans l'évocation, ou des fois c'est seulement sur le plan métaphorique. Donc, voilà ce qui unit, ce que je pourrais dire qui unit la programmation de 2017. Là. Excellent. Et puis, dans le fond, on a parlé tout à l'heure de deux spectacles dont, dont vous avez révélé un petit peu là, la présentation. Donc, on parlait de Herman Colguin, un artiste québécois de renommée qui a déjà travaillé avec l'OSQ. On l'a vu en 2011, là, notamment avec l'OSQ. Mais ici, il présente, comme on disait, un tout nouveau spectacle inédit, une performance où, je pourrais dire, un acte de violence métamorphose pour évoquer le sublime. Est-ce que ça pourrait bien résumer un peu quand même? Ça résume pas mal bien, oui. C'est ça, Herman Colguin, c'est un artiste de Montréal. Et cette année, il est créateur associé chez Recto Verso, donc depuis 2015. Puis dans ce contexte-là, il a créé cette œuvre qui s'intitule « Impact », autour justement de l'idée d'un événement violent. En fait, c'est qu'il y a eu un bête accident où il s'est frappé la tête avec une tige de métal qui a perforé le crâne. Oui. C'est un accident qui l'a beaucoup perturbé. Puis ensuite, il s'est mis à réfléchir justement comment on pouvait transcender l'impact violent pour en faire un objet artistique où le temps s'étire, où on, dans le fond, on détourne l'impact au profit d'une esthétique plus, je dirais, envoûtante ou en tout cas où on sublime la violence vraiment pour la regarder d'un autre œil là. Oui, exact. Donc lui, il fabrique un dispositif balistique, une espèce de sorte de gros bazooka qui est un symbole assez brutal. Il se trouve sur scène, puis ce bazooka-là lance des projectiles sur une cible avec beaucoup de puissance. Puis à partir d'un système de senseurs, la cible va capter l'impulsion, la trajectoire, puis l'impact des projectiles, puis va les analyser en temps réel. Et toutes ces données-là sont retransmises à un corps virtuel qui est projeté à l'écran. Donc, c'est un être virtuel, c'est ça, qui est dans une projection et qui réagit aux impacts qui l'affligent. Donc, il réagit à la violence, puis au fil des manipulations, il se transforme, son état se transforme en une espèce d'état d'apesanteur, une sorte de flottement. Donc, c'est après tout, c'est très poétique malgré la prémisse de base qui est assez brutale. Oui, exact. Et puis, j'imagine en tant que spectateur, on peut aussi se projeter au travers de ce corps virtuel-là aussi, mais en même temps, justement, vivre ces deux états-là un peu, là, à la fois de violence, mais de sublimation, si on peut dire. Oui, c'est ça. Puis la proximité du public avec tout le dispositif, ben, je sais que Herman avait ce souci-là de beaucoup que le public soit très près, qu'il y ait une vraie rencontre entre lui, la performance et le public. Donc c'est certain que sans que ce soit nécessairement une performance immersive, mais où le public va se sentir interpellé nécessairement aussi par le déroulement, la manière que Herman va interagir avec les spectateurs. Là. Oui. Et puis aussi, il faut signaler qu'il va être accompagné, je pense, de Frédéric Lebrasseur, hein, ce multi-instrumentiste bien connu de Québec. Oui, absolument. C'est pour une performance spéciale, justement. Bon, les trois performances qu'il présente au Momiti vont être accompagnées avec Frédéric Lebrasseur aux percussions. Parfait. Donc, c'est une première rencontre, première fois qu'ils travaillent ensemble, ces deux artistes qui se connaissent, mais qui s'admirent mutuellement. Mais bon, voilà, première fois qu'ils vont vraiment joindre leur talent. Fait qu'une belle rencontre à venir. Donc, il faut le souligner, c'est le 2 et le 3 février. Et il nous reste quelques minutes et on voulait parler, bien sûr, de cet autre spectacle du Bureau de l'APA, Entrée, nous sommes ouverts. Une œuvre qui est en cours de création, je pense, hein, d'une résidence qui a lieu actuellement et jusqu'en janvier. Oui, exactement. Une autre primeur qu'on présente. C'est un spectacle, bon, Émilie le précisait, là, sur les boutons, sur les pitons. Donc, tous ces gestes, cette espèce de rituel qui nous amène, qui déclenche, qui active un paramètre. Donc, c'est un spectacle qui va mettre à nu des systèmes qu'il y a derrière les boutons. Puis, dans le fond, qui vont rendre visible ce qui est, à prime abord, invisible. Puis en même temps, ça montre cette fascination, hein, qu'on a que tout autour de nous a un bouton. On est tellement habitué à presser des boutons pour à peu près tout aujourd'hui, là, tu sais, même pour aller aux toilettes, on presse un bouton à cette heure, tu sais, c'est comme... en tout cas... On se questionne même plus sur le fonctionnement de ces connexions-là. On les opère d'une manière un peu automatique, sans jamais vraiment se demander comment ça fonctionne. Donc, eux, ils vont vraiment aller détourner, décortiquer tous ces systèmes-là, puis vraiment nous les mettre à nu, mais dans une forme... complètement très particulière qui est propre à eux là. Ils font vraiment des œuvres scéniques qui sont très difficiles à catégoriser, à classer. Donc et c'est sûr qu'ils vont ils vont par toutes sortes de stratégies, de manœuvres qu'ils inventent là, ils vont explorer les différentes possibilités que pose le magnifique univers des boutons. Exact. Donc vraiment à découvrir les 2, 3 et 4 février. Et juste avant de te laisser, Ariane, on avait quand même Émilie qui se questionnait justement, qui voulait que tu nous en dises juste un petit peu plus à propos de Steve Bates, de ce qui a motivé un peu là, la petite anecdote qui était à la base de ce travail-là où il va travailler avec des fils barbelés. Justement. C'est ça, je vais essayer d'être le plus bref possible. Oui. En fait, c'est qu'il partait de la prémisse dans les... Il y a une légende qui dit que dans la jungle d'Amérique centrale, à une certaine époque, les groupes rebelles ont découvert une tactique pour échapper à la localisation par l'armée. Donc, ils profitaient des fils de fer barbelés qui étaient aménagés dans le paysage autour des frontières pour entraver leur mobilité. Puis, ils accrochaient leurs émetteurs radio sur les fils de manière à en faire des antennes. Et ça faisait que la source de transmission se répandait sur un grand territoire et puis ça leur permettait donc d'échapper aux techniques de localisation. Donc, c'est inspiré par cette pratique, on va dire, de la guérilla là, que Steve Bates a créé cette œuvre-là parce qu'il est très sensible justement à l'exode massif des populations sur la planète. Puis, donc, c'est une œuvre qui a été créée en 2011 puis qui réanime et qui revisite, donc qui en fait une nouvelle version autour de ces fils barbelés-là qu'il va utiliser pour comme antenne, dans le fond. Il va reprendre exactement ce procédé-là qu'on attribue à des groupes rebelles d'Amérique centrale là, pour faire cette installation-là qui va être dans la petite galerie à l'œil de poisson. Bien, c'est vraiment super. En tout cas, moi, ça me fascine toujours les découvertes qu'on peut faire au Momulti, justement, ces œuvres qui nous surprennent à chaque année. Donc, vraiment très hâte de pouvoir voir tout ça. Et comme on le disait tout à l'heure, l'ensemble de la programmation va être dévoilé le 11 janvier prochain. Donc, on aura certainement l'occasion de se reparler, Ariane, à ce propos. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir... Plaisir. Excellent. On va pouvoir... Je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Et on se dit à bientôt. Parfait, merci beaucoup. Bye bye. Bye. Alors, nous, on s'en va en pause et on va retourner avec Andréane Lesage. On vient tout juste d'entendre l'extrait Far Vater de l'artiste Very Long Cat, un artiste, comme je le rappelle, originaire de l'Ukraine, donc sur l'album Turquoise Rumble. Nous sommes en compagnie de Andréanne Lesage. Bonsoir, Andréanne. Bonsoir. Alors, toi, tu nous mets la table cette fois-ci pour Noël. Hein? Les fêtes approchent, hein, faut se le dire. Au moins, on a de la belle neige déjà, oui. Hein, qui nous met un peu dans l'ambiance de Noël. Et tu avais envie de nous parler de offrir l'art à Noël. Oui, c'est ça. En fait, oui, il y a le temps des fêtes d'une part avec Noël, mais il y a aussi les résolutions de la nouvelle année. Mm-hmm. Parce que, en fait, j'ai pensé un peu partager une expérience à moi que j'ai vécue l'année passée. J'ai offert pour la première fois de l'art en cadeau. Donc, mm-hmm. J'ai acheté une estampe, en fait, de l'artiste Paris Martin pour ma sœur. Et, ben c'est ça, ça a été, dans le fond, je pensais que, tu sais, des fois, on a des petites idées préconçues comme quoi c'est difficile, c'est pas abordable, c'est pas accessible non plus à tout le monde d'acheter de l'art, même d'artistes établis surtout, peut-être. Mm-hmm. Mais en réalité, si j'y suis parvenue, n'importe qui peut y parvenir. Oui. Donc, c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je savais déjà qu'elle aimait beaucoup cette artiste-là. On avait eu l'occasion de visiter son exposition solo à la Galerie Michel Guimond l'automne passé, donc en 2015 ensemble. Puis, je savais aussi qu'elle aimait particulièrement ses dessins de chiens. Par contre, les dessins de chiens étaient vraiment pas abordables du tout. Mm-hmm. Pour moi, du moins. Oh, oui. Pour un cadeau de Noël pour aussi, ta bourse. Faut dire, voilà. Donc, je me suis informée, puis j'ai su qu'elle travaillait sur des estampes et des estampes de chiens. Donc là, les estampes, souvent, sont évidemment plus abordables. C'était le cas. Et là, ben ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai téléphoné à mes parents qui ont été assez ouverts pour contribuer au cadeau sans avoir vu l'œuvre en vrai. Mmh. Et on a même réussi, en fait, à ajouter un peu d'argent dans la carte pour qu'elle puisse encadrer son œuvre ensuite. Et depuis ce jour, bien, elle a son chien qu'elle a baptisé Philibert qui trône dans son salon. Et elle ben, vit au quotidien avec. C'est vraiment un amour qui s'est développé entre elle et son œuvre. Ben, c'est super, ça. Oui, et puis, ben c'est ça, cette expérience-là m'a fait réaliser, en fait, quelques bons coups là-dedans. Donc, j'ai quelques conseils peut-être pour ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure. Tout d'abord, ben, c'est sûr que c'est important de bien connaître la personne à qui on souhaite offrir une œuvre. Mm-hmm. Pas seulement ses goûts artistiques, mais aussi un peu son milieu de vie. Parce que on pense, par exemple, acheter une sculpture qui serait très fragile ou un peu pointue à quelqu'un qui a des jeunes enfants, c'est peut-être pas la meilleure idée. C'est peut-être mieux d'attendre quelques années. Donc ça serait un premier conseil. Ensuite, c'est sûr que c'est bien qu'on peut avoir visité quelques expositions, galeries, salons d'artisans avec cette personne-là. Souvent, c'est les endroits où on entend des réflexions du genre « Ah, si seulement j'avais un peu plus d'argent » ou « Ah, ça serait un luxe que je m'achète telle chose ». Donc, ça donne des bonnes pistes. Puis, faut aussi s'informer. Ça vaut vraiment la peine parce que c'est facile de regarder le prix qui est affiché et de dire « Ah non, c'est au-dessus de mes moyens ». Mais en réalité, il n'y a pas juste un prix, hein, aussi. Non. Quand on achète une œuvre, souvent aussi, s'il faut le dire, c'est un coup de cœur. Hein? Oui. Ben, en tout cas, pour être collectionneuse, moi aussi, là, disons que j'ai développé ça dans les dernières années, reste que c'est ça, c'est souvent sous l'ordre du coup de cœur. Puis après ça, un coup aussi d'avoir fait ce premier saut-là, tu sais, on s'informe, on regarde, on est curieux. Il faut développer cette curiosité-là aussi, je pense. Là, mais, tout à fait. Donc, il y a ça aussi là, que je voulais juste souligner. Le coup de cœur, souvent, il y est pour beaucoup. Là. Ben oui, il ne faut pas... Je pense que ça vaut pas la peine d'aller dans un compromis, c'est-à-dire, tu sais, justement, ma sœur qui aimait tant les chiens de Paris du Martin, j'étais pas pour lui acheter quelque chose d'autre de la même artiste qui aurait été moins cher. Tu sais, j'ai attendu d'avoir justement l'opportunité. Ah ben tiens, c'en est un chien, mais plus abordable. Mm. Puis parfois, ben justement, on peut en s'informant réaliser que il y a d'autres œuvres de disponibles qui sont pas présentées, qu'il y a des œuvres de d'autres matériaux finalement qui seraient plus abordables, des œuvres sur papier par exemple, évidemment. Parce que c'est souvent une sélection qu'on voit dans les particulièrement dans les galeries privées là, c'est une sélection des œuvres, mais faut pas hésiter comme tu dis à le demander. Exactement. Parce que il y a souvent beaucoup de choses qui se cachent en arrière. Tout à fait. Puis même ça m'est arrivé en fin de semaine passée au salon Nouveau Genre, j'ai eu un coup de cœur pour une œuvre, puis je trouvais le format était un peu grand, puis finalement en parlant avec l'artiste qui était sur place, elle me dit « Ah, mais moi je peux faire sur mesure. » en fait, des œuvres. Donc, c'était possible d'avoir les mêmes couleurs, les mêmes motifs, mais en plus petit, donc en plus abordable aussi. Alors, ça vaut la peine vraiment là, de questionner, de bien s'informer, justement. Mm-hmm. Puis, il y a aussi une autre chose qui est peut-être un peu moins connue. Je l'ai déjà entendue de la part d'artistes eux-mêmes, puis... Je sais que certaines galeries, dans certaines conditions, sont aussi ouvertes à ça, payer en plusieurs versements une œuvre. Oui, c'est vrai. C'est possible. Ben oui. Donc, si jamais on est un peu serré, on veut pas, on n'a pas l'argent d'économiser sur le coup, mais il y a toujours cette option-là aussi. Puis, ben, je vous conseille de comploter parce qu'il y a toujours des gens, finalement, dans l'entourage de la personne à qui on veut offrir le cadeau qui va être super content d'embarquer, tu sais, en se disant, j'avais pas d'idée, justement. C'est ça. Puis, tant qu'à aller acheter quelque chose que la personne, finalement, se servira pas, ou en tout cas, quelque chose où on dit, ça va faire, là, mais finalement, on n'est pas trop sûr. Mieux vaut se concerter, oui. Se consulter plutôt. Puis... Tout à fait. Comme tu le mentionnais tout à l'heure, aussi le fait d'être allé voir l'exposition avec ta sœur, ça t'a permis de confirmer un peu ses goûts. Il y a cette idée-là aussi d'aller, quand on va dans des lieux où ce n'est pas des galeries commerciales qui ne vendent pas nécessairement les œuvres, si vous avez un coup de cœur à ce moment-là pour une œuvre d'un artiste, contactez l'artiste. Il y a plusieurs artistes qui ne sont pas représentés par des galeries et ils sont souvent très ouverts et même c'est une marque d'appréciation aussi. Je pense que les artistes aiment beaucoup savoir qu'on s'intéresse à leur travail. Parfois, on suit des artistes pendant plusieurs années avant de pouvoir s'acheter une pièce à cet artiste-là, mais il y a toujours moyen de contacter directement les artistes pour pouvoir faire des achats d'art. C'est vraiment tout à propos, Sarah, ce que tu dis là, parce que souvent, comme dans les centres d'artistes, on y pense pas, c'est pas là pour vendre, mais moi, ayant travaillé dans les milieux des centres d'artistes, ben les œuvres qui sont présentées, des fois, on peut les acheter si on le veut. Il s'agit juste, comme tu dis, de contacter l'artiste ou des fois, si l'artiste est représenté, ben d'aller voir son galeriste. Mais souvent, on peut faire... Moi, j'ai fait de très belles acquisitions en travaillant là-bas. C'est sûr que je les ai sous les yeux. Au premier loge. Ben, au premier loge, mais en même temps, il y a une pièce que j'adorais vraiment beaucoup. Puis finalement, je veux dire, aujourd'hui, je l'ai payer vraiment une fraction du prix comparé parce que l'artiste a pris en valeur, en notoriété. Donc ça, c'est plaisant aussi parce qu'on se dit dans l'achat, il n'y a pas juste le prix, mais il y a le fait de, oui, du coup de cœur, mais aussi, comment dire, de soutenir le travail de cet artiste qu'on aime. Puis ça, je trouve ça très important parce que pour eux autres, c'est souvent un gros coup de pouce puis une grande appréciation de leur travail qui leur permet d'en faire d'autres. Exactement. Donc, c'est non seulement un cadeau pour quelqu'un qu'on aime, qu'on connaît, mais c'est aussi un cadeau pour une pratique qu'on veut voir grandir. Tout à fait. Oui, exact. Et alors, est-ce que peut-être tu as des suggestions à nous faire de lieux où on pourrait justement s'initier à tout ça? Bien, je vais rajouter les centres d'artistes à ma liste. Oui. Mais c'est sûr qu'il y a les galeries privées. Bon, à Québec, on a la galerie Michel Guimond, la galerie 3, la Cert Art Contemporain, Beauchamp, plein de galeries dans le Vieux-Québec aussi. C'est sûr aussi que les salons d'artisans, le salon Nouveau Genre, bon, c'est un incontournable. Oui. Et il y a le marché, les marchés de Noël de la virée du temps des fêtes. Donc, c'est la première année de ce regroupement-là de 6 organismes du quartier Saint-Roch qui comprend, bon, la galerie L'Artichaut, l'espace galerie Sherpa Pêche, la bibliothèque Gabriel-Leroy, Materia, Engramme et Etsy, Ville de Québec. Donc, en fait, c'est plusieurs événements qui sont prévus entre le 1er décembre, c'est déjà commencé, et le 9 janvier. Il y en a plusieurs, d'ailleurs, qui commençaient cette semaine. Donc, vous avez le choix là pour des vernissages en formule 5 à 7 ce vendredi. Il y en aura un à la Galerie L'Artichaut, à Engramme, Pêche-Sherpa aussi. Donc, c'est des endroits qui vont avoir momentanément des œuvres comme ça exposées en vente aussi. Mm-hmm. Toutes des artistes de la Ville de Québec ou du Québec. Pour ceux qui auraient manqué le Salon Nouveau Genre, mais vous avez les Etsy pop-up des fêtes qui risquent d'avoir un peu des choses similaires. Puis sinon, mais en ligne aussi, hein, ces artistes-là ont souvent des produits en vente. Donc, il n'est pas trop tard pour passer vos commandes pour le temps des fêtes. Exact. Eh bien, Andréane, merci beaucoup de nous avoir partagé, à vrai dire, cette expérience personnelle-là, puis aussi de nous avoir révélé là, tout ça. Moi, je trouve que c'est assez intéressant. Puis ça, comment dire, on peut ça donne des idées pour Noël là, justement, tant qu'à acheter un paquet de babioles inutiles, ben pourquoi pas donner l'art en cadeau, que ce soit justement une œuvre sur papier, mais aussi des œuvres d'artisans là, ça vaut beaucoup la peine, puis c'est dans les marchés de Noël, comme tu le soulignais. Alors merci beaucoup, Andréane. Ça fait plaisir. Alors nous, on fait une très courte pause audio et Sarah va nous faire l'agenda de la semaine. Thank you. Alors, cette semaine, déjà, Andréane, tu nous parlais vendredi des quelques petits vernissages à ne pas manquer, mais aussi cette semaine, mercredi le 7, il y a le double lancement des publications Québec-Bangkok à la rencontre de l'autre, Encounter with Strangers et d'Impermanence. Alors, deux publications qui sont lancées par les éditions Inter. Donc, Québec-Bangkok, ça revient évidemment sur cet échange artistique entre les villes de Québec et Bangkok qui avait lieu en deux temps, là, d'abord avec la visite de performeuses, performeurs québécois dans la capitale thaïlandaise et ensuite, au printemps 2016, il y avait toute une délégation d'artistes thaïlandais qui étaient à Québec. Donc, il y a le retour grâce à la publication. Également, Impermanence, qui est un premier livre d'artiste de l'auteur photographe de Québec, Philippe Renaud. Renaud-Philippe. Alors, tout ça, ça va se passer en formule 5 à 7 au lieu grâce aux éditions Intervention qui lancent ces deux publications. Et dimanche, vous avez eu la chance de les avoir tous les deux là, à l'émission L'Aérospatiale il n'y a pas si longtemps, mais si jamais vous les avez manqués, il y aura les deux artistes Anne-Marie Proulx et Annie Charland Charland Thibodeau qui seront à Regard. Centre d'artistes en art actuel situé à Lévis ce dimanche à midi pour rencontrer le public. Donc, c'est dans le cadre de l'exposition Les Grands Espaces. Et finalement, vous avez aussi jusqu'en fin de semaine pour voir l'exposition Apparence trompeuse de José Luis Torres qui est présentée à l'Espace Parenthèse, la galerie du Cégep Sainte-Foy, et l'exposition Coula d'Olivier Dessert dont on a parlé la semaine dernière qui est à l'Acerte Contemporain. Parfait. Ben merci beaucoup. C'est déjà tout. Hein? Ça a été très vite, cette émission. Donc, déjà tout pour nous. Et comme à chaque semaine, il faut rappeler que vous pouvez réécouter en balado-diffusion l'émission sur notre page web, l'aérospatiale.wordpress.com. Et bien sûr, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Un grand merci à nos invités, Gabrielle Lajoie-Bergeron et Ariane Plante, de même qu'à nos chroniqueuses, Émilie et Andréane. Et bien sûr, je salue bien haut Jacques Gignac à la mise en onde et bien sûr un petit salut à Jean-Tienne La France qui nous écoute en direct de Matane et qui sera de retour au mois de janvier. Restez à l'écoute de CKRL car Pierre Blais et son équipe vous attendent de l'autre côté de la pause pour parler de cinéma à l'émission Situation Critique et nous on se dit à mardi prochain 17h30. Bye bye. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Pierre Blais anime Situation Critique, l'émission sur le cinéma dans quelques instants. Le Bal du Lézard est fier d'encourager les talents d'ici et vous présente cette soirée. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. Votre carte au coût de 25$ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Qu'on se le dise, folk d'Amérique est de retour. Chansons contestataires, blues ou country d'Amérique, vieux folk songs d'Europe ou d'Afrique. Avec des noms célèbres, Bob Dylan, Neil Young, Johnny Mitchell ou Florent Volant, et des jeunes comme Leila McCalla ou Les Chercheurs d'or. Les mardis soirs à 19h30 avec Gilles Chaumel sur les ondes de CKRL. Quiz aux bénévoles de l'Opération Les Rouges. Décrivez ce que vous entendez. Allô, Nez Rouge. Comptable. Blond. 5 pieds 9. Familial Rouge. 4 cylindres. 2006. Il y a un sac de chips entre les deux bancs. Le Club Tech. 62 des chaînes à Saint-Rigaudon. À l'Opération Nez Rouge, on est toujours à vos côtés pour bien rentrer. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'Opération Nez Rouge au 1-866-DESJARDINS. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, Desjardins et de cette station. Le 8 décembre prochain, venez faire le party avec la gang de Québec Redneck Bluegrass Project à l'Imperial Bell. En ouverture, deux Pouillons Caval et Blue Shot Bill.